All black comme Bruce Wayne. Je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, full gang. On est all pour tout gang. Popol comme Touquet. Maintenu pour Touquet. J'ai mis la bouteille. Je suis jamaïcain comme Usain. All black comme Bruce Wayne. Je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, full gang. On est all pour tout gang. Popol comme Touquet. Maintenu pour Touquet. J'ai mis la bouteille. Je suis jamaïcain comme Usain. Que marre dans le backwood. Que marre dans le backwood. Il raconte si ça, on les entend pas quand ça tire. Tu vas de ficha, c'est mieux que tu sois leur quand ça pire. C'est dans les chichas, je suis dans les kills ta chicha. Chaque que vis ça, t'as du métier que tu chicha. Ici va tout spray, mentier, ici va tout spray. Achète le cerveau, des anciens tout frais. Tu me parles comme si je tournais, comme un four à 20 000 euros tout day. On m'appelle la voisine Rouspay quand j'arrive avec un caddie tout plein. Je vais faire comme les refrains, j'ai mes frères, j'ai mes requins. Dans ce rang, 60. Posez les petits fonds des roues. Bodin dit connaissent pas Pascal de ce rang. Ravi d'avoir niqué la police avec un cul qui était poli. Je suis avec Kesha et Pauline. Je leur enfonce les colis. Hey, je prends un gramme. Hey, fais le chiffre. Ouais, 62. Hey, je suis qui. Ça prend un gramme. Ça fait du chiffre. Hey, 62. Ouais, je suis qui. All black comme Bruce Wayne. Je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, full gang. On est all pour tout gain. Popol comme Touquet. Maintenu pour Touquet. J'ai mis la bouteille. Je suis jamaïcain comme Usain. All black comme Bruce Wayne. Je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, full gang. On est all pour tout gain. Popol comme Touquet. Maintenu pour Touquet. J'ai mis la bouteille. Je suis jamaïcain comme Usain. Bye bye.